Voici, en une heure environ, de larges extraits du roman de Jules Verne publié en 1892, Le Château des Carpates. Enregistrement, choix des extraits et résumé, Jean-Paul Alexis, septembre 2021.